tête de prix inoubliable. Face à de telles réductions, on se sent tout petit. Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 50% sur la fibre starter à 19 euros par mois pendant un an au lieu de 39 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, enjoy. Offre soumise à condition d'éligibilité, réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Enjoy, profitez. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Mais quel métier exerce l'héroïne meurtrière de votre roman, Leïla Slimani ? Je peux le dire, là. Ah, là, vous pouvez, c'est fini. Elle est nounou, elle est nourrice. Elle est nounou, si vous nous avez appelé au 3210. Vous allez recevoir Chanson douce, publiée désormais chez Folio, dédicacée par Leïla Slimani. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On était heureux de vous retrouver sur l'antenne d'RTL. Merci à toute l'équipe. Et nous, on retrouve tout de suite Julien Courbet. Salut, bonjour. Julien. Bonjour, si votre invité a un plan, parce que je cherche une nounou pour ce soir, d'ailleurs. Vous voulez une nounou tueuse d'enfants ? Il n'y a pas des adresses dans le livre, malheureusement. Non, non. Je ne vous recommande pas la sienne, si d'accord, je peux me permettre. Très bien. Oh, bah écoutez, si ma femme traîne dans les parages avec la nounou. Écoutez, on en reparlera. Merci en tout cas. C'est un bon plan que vous nous avez donné. On va lire ça avec impatience. Bonne émission. Bonne journée Yves. Attaquons mesdames et messieurs. Nous sommes là mardi, 26 juin, déjà mardi. Dis donc, comme ça passe vite cette histoire. Voici l'émission du jour. Il y a tout d'abord le cas de Michael. Je gère une société dédiée aux voitures anciennes. Si on ne fait rien, ma boîte ferme ce samedi 30 juin. J'ai été victime d'une arnaque à 55 000 euros et ma banque a commis une grave imprudence. Nous attaquerons également le cas de Pascal sur l'antenne d'RTL en direct. Je vous appelle de Dordogne. J'ai versé 1250 euros à un artisan pour qu'il vienne changer une partie de mes fenêtres. Ça fait des mois qu'il me balade et qu'il ne vient pas. Nous allons aussi avoir un duplex, je vous en dirai plus dans quelques instants. Je préfère jouer Mister Secret. Laissez-moi vous présenter maintenant l'équipe qui va s'occuper de vous ce matin. Il y a l'ensoleillée Blanche de Grandvilliers. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a la glamour, Maître Felonneau. Bonjour Julien. Il y a Bernard Sabat pour la négociation. Bonjour Julien, bonjour c'est à Céline tous. C'est Céline qui est au standard. Bonjour à tous. Vous êtes sur RTL, vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Merci à vous. Je vous rappelle que pour nous joindre, c'est le 3210. Pour nous joindre en direct également, c'est le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Et nous revenons pour la troisième fois sur un cas. Nous allons organiser un duplex dans une seconde. De quoi s'agit-il, Charlotte ? Souvenez-vous, c'est le cas de Alfadio. Il est passé à plusieurs reprises parce qu'une société de fret n'avait pas livré son véhicule à bon port, malgré les 1723 euros réglés. Hervé Pujol s'était rendu une première fois sur place et aujourd'hui, comme le cas n'est pas réglé, il y retourne. C'est vrai que c'était un cas, Maître Felonneau, qui nous avait marqué. Le pauvre, pendant un an, il attend parce que sa voiture est sur le quai. Il est persuadé, il a payé pour ça, qu'on va la transporter en Afrique et elle ne part jamais. Pour cause ? Exactement. La personne à qui il a confié ce transport n'avait pas payé le bateau. Donc évidemment, la voiture est restée à quai pendant un an et lui, il a cherché en plus, puisqu'il n'avait aucune nouvelle de son transporteur. Hervé Pujol, nous avons à plusieurs reprises traité ce cas. Nous l'avons fait d'ailleurs la semaine dernière, où la personne nous a dit mais qu'il nous envoie un RIB qui avait déjà été envoyé. Et ils nous ont dit également, il faut aller au siège. Au siège, tout se passe bien, c'est là-bas. Et vous leur avez dit, mais attendez, il n'y a rien à votre siège, Hervé. Et aujourd'hui, vous êtes venu vérifier. Absolument, j'ai vérifié, je me suis levé tôt ce matin parce que j'ai déjà fait au moins une cinquantaine de kilomètres, car quand vous essayez de joindre cette société, eh ben il faut se lever tôt car il y a 5 adresses. Alors je me suis rendu à la première adresse dont j'avais parlé la dernière fois, j'ai dit que l'immeuble était en travaux, j'ai confirmé, je vous enverrai quelques photos tout à l'heure, et effectivement cet immeuble est en pleine réhabilitation et il est fermé actuellement, il n'y a aucune société, aucun bureau. Je me suis rendu à la seconde adresse, c'est-à-dire à Saint-Denis. Et là, j'ai fait ma petite enquête parce que, connaissant un peu le personnage, je me suis dit, attention, j'ai vérifié et là, je viens d'apprendre que cette société avait disparu de la circulation et avait déménagé il y a 6 mois. Il me reste encore une solution. Direction Montreuil, parce que j'aimerais bien rencontrer M. Diallo, car j'ai le RIB de son client et j'aimerais bien qu'il le règle le plus vite possible. Alors je vous propose que l'on rappelle ce matin la personne que nous avons eue au téléphone en fin de semaine, qui nous a dit « Mais si, il y a quelqu'un au siège » et je lui ai dit « Dans ces cas-là, je vais venir lundi vous apporter le fameux RIB afin que vous puissiez le rembourser. » Donc voyons si cette personne est là. Nous rappelons pour la 17e fois, France, Fret, Express, c'est parti. Allô ? Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, France Fret Express, monsieur Courbet, Julien à l'appareil, c'est la radio RTL. Oui. Monsieur... Oui, bonjour, monsieur Courbet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous appelle toujours pour Alpha Dio. Nous avons, vous savez, le RIB, c'est vous que nous avons eu la semaine dernière ? Oui, oui, il faut nous l'envoyer par email. On va faire le nécessaire là, début du mois. Mais on cherche le siège pour vous le donner en main propre. Où se trouve le siège ? J'ai quelqu'un qui est sur place. Il est où le siège ? Non, mais en fait, la secrétaire, elle travaille pas tous les jours, la secrétaire. Donc, il faudra pas que vous vous déplaciez. Il faut nous l'envoyer directement juste, par mail. D'accord, je voulais faire qu'on fasse un point sur les adresses. Hervé Pouchol, donnez-nous les adresses où vous avez été, où il n'y a personne. Alors, 19 rue des Aubrys, là, alors, c'est un immeuble qui est en travaux. 19 rue des Aubrys. On a un déménagement, c'est pas la bonne adresse. Ah, alors, deuxième adresse, Hervé. 70 boulevard Anatole France. Là, il y a quoi ? C'est une adresse, elle est valable, mais voilà, on ne reçoit pas personne. Les clients là-bas. Ah, voilà. Moi, on a dit que vous aviez déménagé il y a 6 mois, monsieur. Bah, il paraît qu'il n'y a plus personne depuis 6 mois, on y a été ce matin. Non. Bah écoutez, envoyez le. Non mais où est-ce qu'il peut vous dire vous le donnez ce matin en main propre, vous l'attendez sur le trottoir si vous voulez pour vos clients. Non mais il faudra passer peut-être l'après-midi parce qu'on n'est pas là ce matin. Vous n'êtes pas là ce matin. Mais là vous êtes où alors ? Je vous ai appelé sur votre portable ? Oui, vous m'avez appelé sur mon portable. D'accord. Oui. Bon alors donc on peut pas vous le donner ce matin le RIB en main propre nulle part. Non, je suis encore chez moi là, je suis pas encore. Mais dites-moi la vérité. Bah, tant mieux, écoutez monsieur, vous avez des horaires décalés, mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Est-ce que vraiment monsieur, dites-moi la vérité, est-ce que France Fret Express ça existe toujours ? Qu'on ne perde pas de temps bêtement. Monsieur, vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? Pardon ? Allez-y à la chambre de commerce, vous allez voir si on existe ou pas. Non mais vous êtes, à la chambre de commerce. Oui, on peut être inscrit, mais ne plus rien faire. Il n'y a plus d'adresse, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. La secrétaire n'est pas là, vous n'êtes pas encore au bureau. Là où on a été, on nous a dit qu'ils ne sont plus là depuis 6 mois. Non, on a une adresse, on travaille même hier, on est en réunion. Donc je vais vous envoyer par... Vous êtes en réunion. Je vais vous envoyer par mail, là, maintenant, à 9h36. Et alors, quand est-ce que vous ferez le virement si vous le recevez à 9h37 ? On va le faire le mois prochain. Oh là là. Mais là ça fait. Bah, on est déjà le mois prochain. Mais ça date il y a 3 ans l'histoire. Vous allez quand même pas le faire le mois prochain. Mais monsieur, on va le faire le mois prochain, le mois de juillet. Le mois de juillet. On est déjà à combien de jours du mois prochain ? Mais on est le 26 juin. Pourquoi vous le faites pas aujourd'hui ? Bah parce qu'on peut pas le faire aujourd'hui. J'ai une comptabilité à gérer. Ça se passe pas aussi simplement que vous le pensez. Mais vous avez déjà dit ça. Quand est-ce qu'il vous a dit ça, Alfadio, la dernière fois ? Il y a un an, vous avez envoyé un mail déjà, Alfadio. Non. Mais non, c'est pas vrai. Ah, je crois qu'Alfadio vous a envoyé un RIB il y a un an. En février 2018. Mais non, c'est pas vrai. C'était pas il y a un an. Alors, je vais vous le dire. Monsieur, ne dites pas surtout que je dis pas que je vérifie pas les choses parce que je ne fais que ça les vérifier. Et à chaque fois que je vérifie, je trouve un cadavre. Donc, Alfadio, quand est-ce que vous avez. Alors, attendez, mais Alfadio, quand est-ce que vous avez envoyé un RIB ? Le 9 février. Voilà, ça c'est vérifié. Vous l'avez eu, le RIB ? Comment ils l'envoyaient par mail ou je sais pas. Alfadio. Moi je sais pas. Oui. Demandez-lui. On va lui demander. Alfadio, vous l'avez envoyé comment le RIB ? Je l'ai envoyé par SMS, par WhatsApp. Par WhatsApp, vous l'avez reçu. Et il m'a même répondu. Et vous lui avez même répondu. Vous l'avez le WhatsApp de la réponse ? Oui, j'ai la. Alors lisez-le parce que monsieur il aime bien qu'on vérifie tout. Lisez le WhatsApp qui vous a répondu. Attendez, je cherche. Bon, bref. Oui. Non mais monsieur, dites pas bref et n'attendez pas un mois, je vous assure. Parce que là, franchement... Allez-y. Écoutez, essayez de le faire rapidement. S'il vous faut un mois, France Fret Express, s'il vous faut un mois pour faire un RIB, combien de temps il vous faut pour envoyer une voiture ? Oui. Alors, allez-y. Il m'a répondu, j'ai bien reçu votre RIB, je vous rembourserai, mais ce ne sera pas la semaine prochaine, car je n'ai pas de fonds disponibles pour la semaine prochaine. Merci de votre compréhension. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur ? Vous rendez compte ? C'est pas moi, c'est pas moi qui avais reçu. Alors, à qui vous l'avez ? Qui ? Dites Alfadio, parce que c'est pas lui, c'est un autre. À qui vous avez envoyé ça, Alfadio ? Le problème, monsieur Couvet. Oui. Monsieur Couvet. Oui. Le problème est simple. Voilà. Le problème ? Si vous envoie le RIB par mail. Ok. On fera ce remboursement. Puis on close le dossier. Vous n'êtes pas Adama Diallo, hein ? Non, je suis son assistant. Vous êtes son assistant. Et monsieur Adama Diallo, on sait toujours pas où il est. Bah, il est là, mais bon. Il est là. Ouais, moi, je soulève la chaise, attendez, non, il n'est pas là. Là, dans le placard, il n'est pas là. Bougez pas, je regarde sous la table. Attends, il est là. Non, il n'est pas sous la table. Je vais regarder dans le faux plafond. Attendez, il est là. Mais il était là il y a deux minutes. Et vous voulez pas faire, vous voulez pas qu'on fasse une tournée? C'est pas marrant, en tout cas. Moi, je vous garantis 40 dates, monsieur. Qu'il envoie son rire. Il va l'envoyer, oui. Bah, voilà, il vous l'envoie aujourd'hui, mais je vous rappelle donc fin de semaine, puisque vous l'aurez eu aujourd'hui, donc vous avez 5 jours pour faire. Rappelez-moi un peu le. Mais où? À quelle adresse il vous l'envoie, monsieur? Ben, le RIB, c'est pas un mail. Oui, alors, ben, par mail. Alors, j'attendais, je tape tout de suite. Par mail. Voilà, il est parti. Ah, il faut une adresse, voilà. Monsieur. Oui, bien sûr, on a une adresse mail, il connaît très bien notre adresse mail. Mais non, répétez-le lui. Alpha Duo, vous connaissez l'adresse mail? Pardon, attendez, donnez-lui hors antenne. On va la prendre hors antenne. Okay. Bon, eh bien écoutez, l'émission démarre plutôt pas mal. Moi, je suis assez satisfait globalement de ce que je viens d'entendre. Je me dis que la vie est belle et que cette émission a encore quelques belles années devant elle. Et on remercie pour cela toute l'équipe de France Fret Express pour avoir amusé ce matin ceux qui font un métier difficile et pénible et qui avaient besoin de se détendre un peu. Marquons une petite pause. Oui. Et Maître Fellono, vérifiez quand même dans votre sac s'il n'y a pas le gérant. Parce qu'il était là, mais il a disparu, on a dû le poser quelque part. Ça, je sais. Moi, je sais quoi, moi. Qui est là? Ah, Hervé, bah, vous revenez. Bah, vous revenez. Revenez négocier en studio avec nous, vous avez le temps? Absolument. Eh bien, je vous attends. Monsieur, hein, à la limite, prendre un petit café, lui donner le RIB en même temps. Mais vous le verrez pas. Pas. Allez, venez vite nous rejoindre, Hervé. Nous allons continuer. Alors, on va suivre hein, ce que nous dit ce monsieur. On va lui envoyer le RIB. Et puis, on va rappeler après-demain. Voilà. Alpha Dio, qui est bien patient. Malheureusement, j'ai peur que tout ceci se termine par une plainte. Vous nous en parlerez dans une seconde, les avocates. Vous avez choisi RTL, la radio qui se bat pour vous. Un deuxième qui arrive dans une seconde sur RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice? Vous dites, tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout? Oui, ici Log Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus, et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé? Bien sûr, nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Leclerc. Philippe, c'est quoi ces fûts de Heineken, là? Ah oui, alors je t'explique. En ce moment, chez Leclerc, c'est le grand rendez-vous des promos. Et tu as 30% de remise immédiate sur le fût de 5 litres de Heineken. Ah oui, 30%? Eh ouais, 30%. Et sur de la Heineken. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Le fût de bière blonde Heineken de 5 litres avec 30% de réduction immédiate est à 10,49€, soit 2,10€ le litre. 20 modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ok, donc on a de la Heineken. En promo. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérez totalement à la route. Ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, appréciez la tenue de route reconnue de votre Peugeot, associée à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Il y a un jeu extraordinaire pour vous, une croisière de 7 jours pour deux personnes dans les Caraïbes. Grâce à APST et Costa, l'association professionnelle de solidarité du tourisme offre une croisière de 7 jours pour deux personnes dans les Caraïbes. Pour cela, vous envoyez 30 de 10 tout de suite, choix numéro 2. Ou alors vous envoyez par RTL, par SMS, pardon, RTL au 74 900. 30 de 10, choix numéro 2. Ou par SMS, RTL au 74 900. 7 jours dans les Caraïbes, à bord du Costa Magica ou du Costa Pacifica. Revenons maintenant sur le cas d'Alpha Dio. Donc Alpha Dio va envoyer son mail, mais on est bien d'accord, oui. Maître Fellono, qu'il va falloir que très rapidement il passe à la vitesse supérieure. Oui, moi je ne crois pas beaucoup en le succès d'une voie civile pour une fois, moi qui en général privilégie cette procédure-là. Je pense que ça va être difficile d'abord de faire une assignation, de la délivrer, puisqu'on ne sait pas très bien où ils sont, effectivement physiquement, et qu'on aura un jugement. Finalement, la seule utilité ce sera de l'encadrer et on n'arrivera jamais à le faire exécuter. En revanche, un dépôt de plainte pour abus de confiance par exemple, voire escroquerie, me paraîtrait plus opportun, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une volonté d'abord de se cacher, de mentir à chaque fois, et ça ce sont des pratiques qui sont tout à fait douteuses. Donc moi je suis pour le dépôt de plainte, et à ce moment-là je pense que les commissaires vont faire une enquête et eux ils sont capables de les retrouver. Et va savoir si nous n'avons pas en fait

Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Hé papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Transporter jusqu'à 17 mètres cubes de marchandises et manœuvrer sans stress. C'est le savoir-faire du Peugeot Boxer avec son grand volume de chargement et sa caméra de recul. En plus d'être robuste, il est aussi très habile à vos côtés. En ce moment, le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 2640€ hors taxes. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Loire-Atlantique. À 20 km de Nantes, au Palais, l'exploitation familiale du domaine du Bois Joli compte 30 hectares de vignes et produit le Moulin Carré, un muscadet de qualité. Il est issu du cépage le melon de Bourgogne, que l'on nomme ainsi non pas à cause d'un goût de melon, mais en raison de la forme très arrondie de ses feuilles. Je vous dis tout ça pour que si on vous pose la question, vous n'ayez pas un blanc. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Noroto. L'été, pour se rafraîchir, faut bien réfléchir. Et moi, quand on me dit que chez Noroto, l'entretien clim est à seulement 49€, bah là, je réfléchis plus. Chez Noroto, l'entretien clim et ses 14 points de contrôle sont à seulement 49€. Oui, 49€ seulement. Ce qui est frais n'est plus à faire. Non, parce que normalement, on dit fait, mais là, j'ai dit frais. Noroto. Conditions sur noroto.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous avons démarré avec Alpha Dio, donc nous allons attendre maintenant qu'il envoie en ce qui concerne cette voiture qui n'est jamais partie, qu'il a dû faire partir lui-même alors qu'elle est restée un an sur le quai, qu'il envoie, comme nous l'a demandé trois fois ce monsieur, un RIB. Donc les adresses ont été données hors antenne. Bien, donc nous verrons mercredi ou jeudi s'il y a un effet qu'Alpha Dio. Ne s'inquiète pas, nous reviendrons tous les jours sur ce cas s'il le faut. Voici un nouveau cas, c'est celui de Michael qui vient nous rejoindre sur l'antenne d'RTL. Michael, bonjour. Bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Allez Michael, c'est un cas où il est question de banque, donc j'aurai Serge Maître en ligne dans une seconde, notre président de l'AFUB, l'Association Française des Usagers des Banques. Michael, expliquez aux auditeurs d'RTL votre mésaventure. Alors moi je gère un karting rétro à l'Erf, à côté de Lille. J'ai été victime d'un client qui m'a arnaqué de 55 000€. Et ma banque a fait preuve d'une grave imprudence. Alors, comment vous a-t-il arnaqué? S'il vous a arnaqué, je mets ça au conditionnel, mais je vous écoute. Allez-y. Alors, nous avons répondu à un appel d'offres pour accueillir les groupes de ce client. Oui. Il nous a payé par carte bleue, il a consommé la prestation, et dans le mois qui a suivi, il a fait annuler ses transactions de carte bleue. Et la banque a accepté? Oui, la banque a laissé court sans même me prévenir. Alors tout de suite, j'organise un duplex avec Serge Maître. Serge, bonjour. Bonjour à vous, Julien. Une banque peut comme ça, à la demande du client, annuler des paiements par carte bancaire, simplement parce qu'ils ont reçu un coup de fil. Ça serait bien que vous annuliez toutes les cartes bleues que j'ai fait. J'ai pu passer. Eh ben non, justement, c'est pas du tout. Là, on est vraiment hors jeu. Pourquoi? Eh bien, avant d'accepter le paiement, Michael, qu'a-t-il fait? Ben, il a demandé une autorisation à sa banque. C'est ce qu'on appelle l'autorisation systématique. Et il a reçu cette autorisation sans réserve ni condition. Et à partir de là, ben, la banque, elle assure, elle garantit aux commerçants, donc à Michael, que le règlement sera bien exécuté jusqu'au bout. Donc là, le premier point qui est méconnu par l'attitude de cette banque, c'est le contrat carte bancaire qu'il a lié à son client. Le deuxième point, et rapidement, c'est, disons qu'il y a dans les règlements que l'on fait par carte bancaire, une irrévocabilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas totalement porter atteinte à cette irrévocabilité du paiement, mais avant de porter atteinte, comme a fait la banque, en reprenant l'argent, parce que c'est ça qui est en cause, eh bien, elle aurait dû, c'est évident, interroger son client pour savoir quelle était sa version, je dirais. Et là, en l'occurrence, Michael avait deux éléments. Il avait la copie des papiers d'identité de son client Et deuxièmement, eh ben, il avait aussi la copie en même temps de la carte bancaire. Donc l'histoire du vol qui est invoquée par le client pour revenir sur son règlement, ferait long feu, quoi. Ça tient pas debout. Alors, voilà les deux. On est bien d'accord que devant un tribunal, donc Michael pourrait récupérer cet argent. En tout cas, il peut le faire avec des chances réelles bien de sûr. Succès. Eh bien, nous allons les appeler. Merci pour cette explication, Serge Maître, qui est le président, je le rappelle, de la FUB, l'Association française des usagers des banques, qui vous sort de situations compliquées. Merci Serge, si on a besoin de vous, on se permettra de vous rappeler. Merci beaucoup. Merci. Bon, écoutez, les choses sont claires. Blanche Grandvilliers, nous allons appeler déjà un, peut-être aussi celui qui a dit qu'il avait perdu sa carte bancaire alors qu'il a fait cette carte bancaire, qu'il l'a utilisée. Mais vous avez quelque chose à rajouter, JB? Oui, tout à fait, Julien. Simplement pour vous dire qu'on n'a pas le numéro, malheureusement, de cette société, puisque Michael, malheureusement, n'a pas pu le récupérer. On a le nom du monsieur, mais pas son numéro. On a le nom de la société. Alors, je peux vous dire que c'est une société qui est spécialisée dans le secteur ferroviaire. C'est une société qui vient de Turquie. D'accord. Voilà, donc on n'a pas de coordonnées, malheureusement, mais on a les coordonnées de la banque, donc comme vous l'avez dit, on peut déjà s'orienter. C'est là-dessus. Ce que nous allons faire dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Votre analyse, Blanche Grandvilliers. Oui, Julien, c'est l'article L133-1 du Code monétaire et financier qui rappelle que le paiement est irrévocable, sauf que là, dans ce dossier, notre auditeur, il s'est fait payer quelques jours avant la prestation, donc il a pris ses précautions, il a vu le virement, enfin le crédit sur son compte bancaire, 50 000 €, et le débit est intervenu 5 semaines après, Julien. 5 semaines après, vous imaginez ce que c'est alors que le paiement est irrévocable. Comment la banque a-t-elle pu, 5 semaines après, recréditer? Et elle a recrédité les sommes. Elle les a redébitées par petits morceaux. 500 €, 500 €, 500 €, 500 €. C'est à ne rien y comprendre. De surcroît, on vous dit que c'est parce qu'il a perdu sa carte bleue, mais quand on regarde le motif du paiement, c'est pas du tout ça. Il y a marqué soit transaction non garantie, soit... paiement, fraude à la carte bleue. Inutile donc, de vous dire savoir. Que nous avons des questions à poser très claires. Qu'est-ce qui s'est passé avec la banque? Mais surtout, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Michael, car s'il n'a pas des fonds d'ici ce samedi 30 juin, il devra définitivement fermer son établissement. Et nous sommes obligés de le dire à la banque, qui a quand même une responsabilité. Est-ce qu'elle est là pour aider les clients ou pour les faire fermer en faisant des choses très bizarres? C'est ce qui se passera dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Très rapidement, 3210 touche numéro 2 pour partir en croisière, ou bien vous envoyez RTL au 74-900, RTL au 74-900, les Caraïbes. Pour deux personnes avec la PST et Costa Croisière. À tout de suite sur RTL. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, alors là ça m'excite. Et qu'est-ce qui t'excite? Eh ben c'est la semaine américaine chez Lidl. En ce moment, ils ont de la poitrine de porc Tex-Mex à 3,99€ les 600 grammes. Du porc origine France, patron. 3,99€ la poitrine de porc Tex-Mex, moins de 4€, là y a un os. Ah non, c'est le vrai prix, moins 20% de réduction. J'en prends pour notre barbecue. T'es plus invité. Eh ben je suis mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,65€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 3 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Leclerc. Chérie, une Renault Twingo en location, 4€ par jour chez Leclerc. Non. Si. Et pour 1€ de plus, tu as une Renault Clio à 5€ par jour. Non. Si. Et pour encore 1€ de plus, une Fiat Tipo. 6€ par jour pour une Fiat Tipo chez Leclerc. Non. Si. C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4€ seulement. Hors frais kilométriques liés à chaque modèle. Voir modalités et magasins sur le site location.leclerc. Twingo, Clio ou Tipo? Y'a quoi comme couleur? Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Les vacances approchent, vous allez bientôt pouvoir tout oublier. Tout, sauf la sécurité. Heureusement, Feu Vert et Michelin vous accompagnent dans les moments qui comptent. Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin, jusqu'à 80 euros offerts. Oui, 80 euros. Et 9 clients sur 10 qui recommandent Feu Vert, c'est ça la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman ? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380 euros par mois. LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. Merci d'avoir choisi RTL. Nous allons vous informer dans quelques instants, puis nous reprendrons nos cas. Un premier cas a été lancé, mais là, un deuxième extraordinaire avec une belle arnaque. Si tout ceci est bien sûr avéré. RTL, il est 10h. Chantal, rapprochez-vous, voici Alexandre. Alexandre de Saint-Aignan pour les informations. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors que le torchon brûle entre l'Italie et la France au sujet de la crise des migrants, Emmanuel Macron est à Rome. Aujourd'hui, une visite prévue de longue date avec le pape au Vatican. Le président français doit rencontrer le Saint-Père dans une demi-heure. Il s'apprête à recevoir son titre de chanoine en la basilique de Saint-Jean de Latran. En plus d'être un appel du pied aux catholiques, cet entretien avec le pape sera l'occasion d'aborder la problématique de l'accueil des réfugiés. Pendant ce temps-là, en Méditerranée, le navire humanitaire Lifeline reste toujours en attente d'une situation diplomatique pour les 234 migrants à bord. Invité de RTL ce matin, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'une solution européenne semble se dessiner avec un possible débarquement à Malte. La France enverra ensuite une équipe sur place pour traiter les demandes d'asile. Benjamin Griveaux qui a également confirmé ce matin l'orientation du gouvernement au sujet du service universel, successeur du service militaire. Il devrait durer un mois minimum pour les jeunes à partir de 16 ans. Le Premier ministre annoncera des grandes orientations demain avant une consultation à l'automne avec les organisations de jeunesse. Il s'était installé dans un bâtiment de l'université. Une soixantaine de migrants sont évacués ce matin de la faculté de Paris 8 à Saint-Denis. Ça faisait près de 5 mois qu'ils étaient là, pris en charge par la préfecture. Leur situation va être examinée. Des soutiens aux migrants ont tenté de s'opposer à cette évacuation sans succès. L'autre grand titre du jour, c'est bien sûr le football. Jour de match aujourd'hui pour les Bleus au Mondial en Russie. France, Danemark, Didier Deschamps devrait faire tourner l'effectif pour ce troisième match de poule. La France est déjà qualifiée en huitième, mais pour viser la première place de son groupe, elle devra assurer au moins un match nul, donc face au Danemark. Coup d'envoi à 16h, émission spéciale sur RTL à partir de 15h30. En Espagne, le début d'un procès historique aujourd'hui, celui des bébés volés, un trafic qui a commencé pendant la dictature de Franco il y a quelques dizaines d'années. Des nouveau-nés étaient enlevés à leur mère pour être confiés à des familles d'adoption jugées compatible avec le régime national catholique. Et puis, aux Pays-Bas, une camionnette a foncé dans la façade des bureaux d'un des principaux groupes de presse néerlandais tôt ce matin à Amsterdam. Pas de victimes, la police estime qu'il s'agit d'un acte délibéré. La Bourse de Paris, elle a ouvert en hausse ce matin, t'es toujours dans le vert actuellement, après un début de semaine difficile, plus 0,24%, le CAC 40 actuellement autour des 5296 points. Le temps pour cet après-midi, grand soleil avec toujours quelques nuages sur les Alpes, les Pyrénées et le relief Corse, du vent sur la région PACA. Les températures, elles seront bien douces cet après-midi. 24 degrés à Caen, 25 à Lille et à Nice, 27 degrés à Alençon, 28 à Paris et à Montpellier, 29 degrés au Mans, 30 à Nantes, à Marseille, 32 à Cognac et le maximum 33 pour Montauban. Les courses à Auteuil, voici les pronostics de Claude Percentier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 9, le 3, le 4, le 2, le 10, le 7, le 12, le 13 et la dernière minute, c'est le numéro 4, Pichelot. Il est 10h03 sur RTL. Revoici Julien Courbet. Eh ben tant mieux. Oui. En même temps que le tiercé, moi j'ai rempli ma grille de loto. Donc tout est parfait. Ah, j'ai ça pas de pronostic fait... pour le loto. Ah, bah non, mais je prends vos numéros, c'est parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure, 11h. Nous avons démarré à 9h30 avec des belles affaires. C'est le point info. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Revenons sur ce feuilleton quelques instants, Charlotte, le feuilleton d'Alpha Dio. Il avait confié son véhicule à une société de fret pour une livraison en Afrique, c'était en février 2016. Or, son véhicule n'a jamais quitté le port d'Anvers. Depuis, on essaie d'obtenir le remboursement des 1723 euros payés par Alpha Dio. Il avait envoyé un RIB pour qu'on le rembourse, il n'a jamais eu de nouvelles. Nous avons téléphoné la semaine dernière, la personne nous a dit « mais renvoyez-moi un RIB ». On a dit « on aimerait vous le donner en main propre ». ben oui, mais là, c'est pas la bonne adresse, il faut aller au siège. Parfait, mais votre siège, je pense qu'il n'existe pas. Si, si, si, on a envoyé Hervé Pouchol en duplex, effectivement, il n'y a pas de siège, donc on a rappelé ce monsieur qui nous a dit « Envoyez-moi ». Donc on lui a envoyé le RIB et on s'y remet mercredi en attendant désespérément que Adama Diallo, qui est là, mais qui n'est jamais là, alors je ne sais pas, c'est une espèce de nouveau concept de France Fret Express, nous rassure parce que là, on est quand même très très prudent avec cette entreprise. Deuxième cas qui a été lancé, et là, il va y avoir un appel déterminant, soyez là sur l'antenne d'RTL. Il s'agit du cas de Michael, un de ses clients lui a réglé une facture de 55 000 euros avant d'annuler le paiement auprès de sa banque en prétextant s'être fait voler sa carte bleue. Et le comble, la banque a même commencé à rembourser cette personne pour la prétendue fraude. Alors, il faut que l'on récapitule maintenant avec vous, Blanche de Grandvilliers, les questions que nous allons poser à cette banque, parce qu'il s'est passé des choses très graves. Donc, un client dit, on m'a piqué ma carte, il ne vérifie rien, puisqu'en fait, c'est lui-même avec sa propre carte qui a fait... Exactement. Et alors après, racontez-nous une nouvelle fois, mais très rapidement, et quelles sont les questions que l'on doit poser, là, dans une seconde, sur ces histoires de remboursement. Eh bien, on doit demander à la banque pourquoi elle a crédité donc la somme il y a en juillet, et pourquoi un mois et demi après, elle a redébité les sommes, et elle ne les a pas redébitées en une fois, comme ça serait le cas. S'il y avait fraude, voilà, on vous a mis 20 000, on vous reprend 20 000. Voilà, non, elle a fait à peu près une centaine de débits de 500 euros, 100 euros, 200 euros, et tout ça en prenant des frais hein, en même temps. Et on n'a pas d'explication de la banque. Eh bien, nous allons lancer l'appel à cette banque dans quelques instants. Une très très grande banque. Je rappelle que si nous n'aidons pas, si nous n'arrivons pas à l'aider, notre ami Michael, il peut fermer sa boîte ce samedi, car il est pendu maintenant financièrement. Ça va se passer sur RTL. A tout de suite pour cet appel. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Avec ma fille, on est fan de shopping. Alors quand on a vu les soldes chez Carrefour avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur plein d'articles textiles, on n'a pas traîné. Petits hauts, jupes, pantalons, vestes et t-shirts. On a fait une vraie razzia pour toute la famille. Résultat des courses, pour nous, ça va être défilé de mode tout l'été. Demain, c'est les soldes dans vos hypermarchés Carrefour. Avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur un large choix de produits textiles. Carrefour. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasins participants sur carrefour.fr. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste? Quand vous dites tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien et même les pneus. Et si mon Kangoo est immobilisé? Vous avez une assurance qui rembourse votre journée de travail perdue. Vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 1200 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé, tout de suite? Ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'appel est lancé à la banque. Nous savons que ce sera compliqué, mais nous allons nous battre. D'abord, l'agence locale, et puis nous remonterons avec vous, Bernard, puis Hervé qui va nous rejoindre, hein, puisqu'il est allé faire ce duplex. Nous l'attendons. Et bienvenue à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Votre conseiller est actuellement absent. Vous pouvez consulter vos comptes sur le www. On raccroche et on essaie autre chose. Est-ce qu'on a le numéro de l'agence? Mais oui, on a le numéro. Là, vous aviez fait quoi exactement? J'ai fait le premier numéro, celui de de l'agence. Alors, on va essayer peut-être avec un 00 à la fin, ou essayer de chercher peut-être le numéro du standard de l'agence locale, puisque là, on avait le numéro du conseiller. Là, vous faites quoi exactement? Là, je suis passée à la directrice du centre de clientèle. D'accord. Alors, on essaie un troisième numéro maintenant. Nous allons partir au siège régional. Après, il y aura la direction du contentieux. On en a des numéros. On n'en manque pas. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on ait la caisse, moi, locale. Essayez quand même par tous les moyens de me trouver le standard de la caisse locale. Donc là, on est au... Au siège régional, là, j'espère. Je rappelle qu'aujourd'hui, mardi 26 juin... À la Caisse d'épargne, c'est la journée sans téléphone qui est décrétée chaque année où il est interdit de répondre au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'ai besoin d'avoir un interlocuteur pour une histoire un petit peu délicate sur un monsieur qui a été victime, entre guillemets, d'un abus sur sa carte bancaire. À qui puis-je parler ? S'il vous plaît madame. Alors, quittez pas, je vais regarder tout de suite. C'est très très gentil. Merci beaucoup, madame. On vous souhaite une bonne journée. Vous également, au revoir. Alors, nous récupérons l'appel et vous essayez de me trouver un interlocuteur. Essayez, j'y vais par tous les moyens, d'avoir absolument le numéro de la caisse locale, en tout cas le standard, puisqu'on n'a que la ligne là, apparemment, que nous a donné notre auditeur. Oui, on l'a, je l'ai récupéré, on va tout de suite tester. Ah bah bravo, mec, dis donc. Eh, t'as repris du poil de la bête, toi. Il faut. T'as vu ? C'est la fin de saison, c'est il le sprint. Il a dû regarder 2-3 films d'Audiard ce week-end. Ouais, j'y vais, est-ce qu'on a le numéro ? Ouais, je l'ai, je vais te le faire, ton numéro. Fais ventiler façon puzzle. Alors, on y va, on fait dans combien de temps tout de suite ? Il y va, il se précipite là-bas pour le donner à Céline. Je voudrais qu'on y aille tout de suite si ça ne vous ennuie pas, mesdames et messieurs. Pardon pour ces petites séquences de flottement, mais nous sommes en direct et on improvise en fonction de ce qu'on nous dit. Oui, Maître Felloneau. Oui, alors dans ce genre de réclamation, il y a, on le sait, un service réclamation, il y a également un service client. On a forcément quelqu'un qui connaît ce dossier et forcément quelqu'un qui va pouvoir nous répondre, s'ils le veulent. C'est bien ça, un Tourcoing, Michael. Michael ? Oui, oui. Ouais, c'est celle de Tourcoing. Faire un virement. Oui. Ouais. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, je plaisante, Mickaël. Non, Mickaël, je veux dire, Mickaël, il est en liquidation judiciaire. Sa deadline, c'est samedi, donc il se marre pas. Je sais, on l'a répété trois fois tout à l'heure. Il y a vraiment une urgence. Samedi 30 juin, il peut fermer définitivement. Alors allez-y, avancez. Oui, Blanche. Et s'il ferme définitivement, ses ennemis ne seront pas terminés, Julien. Parce qu'effectivement, il a du débit sur ses comptes, évidemment, puisqu'on lui a retiré 55 000 euros. Et il est caution. Il y a des prêts sur lesquels il est bien caution. Bien sûr. C'est une catastrophe. Il faut vraiment que la banque l'aide maintenant et qu'elle nous justifie en tout cas ce qui s'est passé. Dès que nous avons quelqu'un, vous entendrez cette petite alerte. Là, nous sommes sur tous les standards. Bernard est sur un standard. Céline est sur un autre standard. Nous allons nous retrouver par la suite pour avoir quelqu'un en ligne. Et puis nous attaquerons aussi la farandole des cas que nous suivons. De quoi parlerons-nous, Charlotte, par exemple ? On pourra peut-être commencer un nouveau cas. Ce sera celui de Pascal. Elle a payé un acompte de 1250 euros pour l'achat et la pose de fenêtres. Mais depuis des mois, le vendeur la balade. La pose devait avoir lieu sous 4 semaines. Ça fait 9 mois. Eh bien, on y va. C'est parti. Après avoir écouté ce homie qui nous avait enflammé en 2015 avec son cheerleader. Vous êtes sur RTL. Problème de banque, c'est maintenant. 3210. Vous n'hésitez surtout pas. Vous passerez très prochainement dans l'émission. Peut-être même, qui sait, dès aujourd'hui. Ce sera la surprise du jour. Motivation. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Chez Lidl, Il faut dire que c'était pas cher Lidl. Personne n'avait compris les paroles de cette chanson. Revenons sur ce cas. Que s'est-il passé sur cette histoire de cartes? De cartes rétro, très très bonne idée en plus. Mais apparemment, il y aurait peut-être une alerte. Je vois Céline bouger. Oui, nous sommes avec la Caisse d'épargne. Nous sommes avec un conseiller. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur, madame, pardon. Bonjour, madame. Je suis ravi de vous parler. Julien Courbet à l'appareil sur l'antenne d'RTL. Je vous explique par la voix de Blanche de Grandvilliers, l'avocate de l'émission, le but de notre appel, parce qu'il y a une boîte qui peut fermer samedi si on ne l'aide pas, et il y aurait eu, d'après nos informations, quelques 2-3 petites choses qui nous gênent un peu de la part de la banque. Écoutez, Blanche vous explique, et comme ça vous pourrez me choisir un interlocuteur après. Bonjour madame, eh bien notre auditeur s'est fait créditer la somme de 55 000 euros en juillet 2017 sur son compte, et c'est seulement presque un mois et demi plus tard que, et sans le prévenir surtout, que vous avez débité cette somme de son compte en plusieurs versements en indiquant des motifs tels que transaction non garantie, non couverte par vous, alors que soi-disant le motif de l'opposition au paiement était la perte de la carte bleue par celui qui a fait le paiement. Donc on cherche à comprendre, on cherche pourquoi vous avez redébité les sommes alors que vous savez, comme nous, que le paiement par carte bleue est irrévocable. D'accord. Par contre, vous êtes actuellement à la Banque Digitale Multimédia. Je ne suis pas donc à la Caisse d'Épargne directement. Okay. Je vais reprendre le nom du client pour pouvoir vous donner un interlocuteur. Il s'appelle Michael Abusada. C'est Oldies Racing, le nom de sa boîte. Oldies Racing, monsieur Michael Abusada. Il est possible d'avoir quelqu'un, vous pensez? Vous allez pouvoir nous trouver un interlocuteur? Donc là, je vais vous donner le numéro du service direct pour vous. Vous avez de quoi noter? Allez, on y va, c'est parti, on le prend en antenne, vous le notez Céline, ça et va. On enchaîne immédiatement derrière après. Pendant que Céline est en train de noter ça, on va se préparer, Bernard, appeler la direction, parce que je pense que ça va être compliqué, c'est un très sinon, gros dossier, ouais. Et peut-être le cabinet de monsieur Denisot, Alain Denisot, qui est le grand président qui se trouve à Euralil dans le 59. Enfin, quel président, je pense, de la filière Nord, hein, puisque ce sont des. Ça marche par région. Caisse d'épargne Hauts-de-France, tout à fait. Allez, essayons de la voir, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça une boîte fermée. Il s'est passé des choses très bizarres dans cette histoire. On pourra toujours dire après, il pourra attaquer, mais une fois que vous avez fermé votre boîte, que vous n'avez plus rien, aller se lancer dans une procédure, c'est terrible. Oui, d'autant que là, il est poursuivi, hein, parce que la Caisse d'épargne, là, ne manque pas de lui rappeler qu'il a des débits sur son compte, qu'il doit payer, et elle le met en demeure en tant que caution. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que c'est la Caisse d'épargne qui n'aurait jamais dû rembourser cette personne qui les a arnaqués en faisant croire qu'elle avait perdu sa carte bancaire alors qu'elle ne l'a pas perdue, et qui aujourd'hui se retourne vers son propre client lui disant c'est toi qui vas payer. Si ça s'est passé comme ça, c'est pas tout à fait normal. On a deux choses à voir maintenant. D'abord l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. Et selon le journal La Nouvelle République, un entrepreneur originaire de Lussac-les-Châteaux, près de Poitiers, vient d'être mis en examen. L'artisan âgé de 32 ans proposait ses services sur le Bon Coin. Quand des clients l'appelaient, notre homme faisait un devis et encaissait un acompte. Le problème, c'est qu'il ne venait jamais exécuter les travaux par la suite. En remontant sa piste, les enquêteurs ont découvert que les sociétés qu'il exhibait sur le net étaient soit radiées ou qu'elles n'avaient jamais existé. Alors encore une fois, envoyer un chèque sans avoir au moins vu la personne, bon, enfin ceci étant dit, même en l'ayant vu, hein, si la boîte n'existe pas, à ce jour une dizaine de plaintes ont été recensées dans la région pour un préjudice global de 44 000 euros. Précisons quand cet individu touchait le RSA en parallèle, je vous l'ai dit, je vous le redis. Attention, quand vous traitez avec des gens que vous ne voyez pas, celui qui est au bas de chez vous, le petit entrepreneur, l'entreprise que vous connaissez parce que ça fait 25 ans qu'elle est là devant vous, vous savez que vous les retrouverez le lendemain. Mais là, quand vous allez sur ces annonces, en plus, le Bon Coin est victime de son succès, il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont tellement, tellement puissants que maintenant les arnaqueurs se sont dit « c'est génial, je peux capter des millions de gens, fausses voitures, faux commerce, faites très attention ». Oui Julien, et oui, on peut donner un conseil à nos auditeurs, c'est que dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui viennent à l'antenne sur lesquels voilà, nos auditeurs ont payé un acompte et n'ont pas vu la couleur des travaux ou du bien qu'ils avaient commandé, ils peuvent déposer plainte contre la personne physique et ensuite ils peuvent faire une procédure, par exemple injonction de payer qu'ils font eux-mêmes contre la société. Le problème, c'est qu'après on peut le retrouver, ce monsieur, il est au RSA, il n'a plus rien, c'est des gens qui dépensent tout de suite l'argent, s'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas rêver, vous aurez beau avoir tous les procès que vous voulez les gagner, il risquera peut-être la prison, mais vous n'aurez pas votre argent. On peut se faire indemniser ?

en disant qu'on va instruire très vite le dossier et va surtout joindre cette banque locale pour justement avoir un interlocuteur qui connaît lui bien le dossier. Et je me permets, on n'a pas l'habitude de le faire, mais vraiment de m'adresser au président régional Alain Denisot, si vous pouvez au moins lever le pied avec votre client pendant le temps de votre enquête, puisque lui aujourd'hui il risque de fermer. Il faut vraiment qu'on arrive dans les heures qui viennent à trouver une solution. Mais encore une fois, la question qui est posée à la Caisse d'épargne, c'est pourquoi avoir accepté d'annuler cette carte bancaire alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Et Serge Maître de l'Association française des usagers de banque nous l'a dit, première question. Deuxièmement, vous reprenez l'argent, pourquoi le reprendre par petits morceaux? Et troisièmement, pourquoi maintenant en plus réclamer à votre propre client des intérêts, etc., alors qu'il a le couteau sous la gorge et qu'il risque de fermer à cause des agissements? Il y a peut-être une erreur, mais il faut vraiment qu'on en sache plus de la Caisse d'épargne. Donc, on lâche pas le morceau. Hervé Pouchol vient de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Le voilà qui revient de son duplex. Alors? Eh ben, je me suis trompé. C'est-à-dire que pour revenir sur Paris, il y avait l'A1 et il y avait direction Paris et direction Charles de Gaulle. Oui. Et comme par hasard, je suis allé à Charles de Gaulle. Bon, ok. Donc, c'est, je suis un peu en retard. Mais non, mais quand même, il vous reste quand même 35 minutes d'émission à faire. Ah bon, ça va. Hein, c'est bien pour vous. Alors, on va justement attaquer un nouveau cas, c'est parti. Qui est en ligne avec nous maintenant, c'est Pascal. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Pascal. Pascal, vous avez versé un acompte, racontez-nous, de 1250 euros pour faire changer quelques fenêtres. Oui, c'est ça, j'ai fait appel à un artisan que je connais très bien. C'est la troisième fois que je fais appel à lui. J'ai fait appel à lui parce qu'il travaille très bien et que j'ai confiance en lui. On se tutoie, on se fait la bise, enfin tout va bien. Et voilà, donc il est venu prendre les mesures en mars 2017. Et depuis, et ben voilà, j'ai eu un deuxième devis en septembre 2017. Et depuis, j'en suis à plus de 50 appels. J'en suis à 14 rendez-vous fixes plus 5 dates approximatives dans la première quinzaine, dans la deuxième quinzaine du mois. Enfin, des choses comme ça. J'ai l'impression que vous ne le tutoyez plus et que vous ne lui faites plus la bise. Est-ce que je me trompe? Si, justement, d'accord. Je voulais préciser que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est surtout que je suis très triste de... Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas faire le travail chez moi. Alors, il y a forcément une bonne raison, mais alors, si c'était un ami, il vous le dirait. Il vous dirait, j'ai des gros, gros problèmes. Non, c'est pas un ami, c'est un artisan que je connais. Voilà. Ah, vous m'avez dit, je le tutoie, je lui fais la bise. Donc, si vous tutoyez, vous faites la bise aux gens qui ne sont pas des amis, qu'est-ce que vous faites aux amis? Mais si. Ah bon? C'est parce qu'on est dans une région un peu rurale. Moi, je connais bien. On connaît le père du frère qui connaît la sœur qui connaît le cousin. Effectivement, si vous connaissez le père du frère qui connaît la sœur, on va pouvoir avancer très vite. Nous allons donc, si vous le voulez bien, l'appeler maintenant. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, Maître Fellonneau. Non, soit il rembourse, soit il vient faire son travail. Elle veut qu'il vienne faire son travail. Il a les mesures, il a tout. C'est une boîte qui fait quand même plus d'un million de chiffre d'affaires. C'est dingue. On ne comprend pas. Il nous raconte sa vie sur les mails. J'en ai effectivement, je ne sais pas combien. On sait tout. Alors, il s'est cassé la figure, son employé aussi. Enfin bon, ça va un moment, mais maintenant, il faut que ça s'arrête. On va les appeler dans une seconde. Souvent, dans ces cas-là, l'artisan ou le professionnel commence à un peu raconter sa vie pour justifier. On l'appelle dans une seconde. Chère madame, je n'ai pas pu vous livrer les fenêtres car vous ne le saviez peut-être pas, mais mon beau-frère vient de se marier avec une femme qui nous pose pas mal de problèmes. Rencontré du côté de Londres il y a quelques instants, alors que moi-même j'étais en villégiature, j'ai dû... À 11h sur RTL. La bonne note et à la bonne heure sur RTL. Avec Stéphane Bern. Ce matin, à la bonne heure donne de la voix. Et quelle voix! Je reçois le contre-ténor Philippe Jaroussky, qui reprend le rôle d'Orphée dans son nouvel album Orphée et Eurydice. À tout à l'heure, 11h, avec Philippe Jaroussky. L'affaire est dans le sac. Expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute. Plus 15 jours avant les soldes, jusqu'à moins 60% sur la mode et la maison. À vous cette petite robe ou ce canapé qui vous fait rêver. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec la redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Hé, papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Le Leclerc. Chérie, je suis passé faire les soldes chez Leclerc. Me dis rien, t'as acheté une télé. Une télé Ultra HD 4K Thomson de 127 cm à moins de 400 euros. Fais voir. Attention, c'est très beau. À partir du 27 juin chez Leclerc, la télé Ultra HD 4K Thomson est à 399,20 €, dont 12 euros d'éco-participation, au lieu de 499 €. Dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. Franchement, une télé Thomson comme ça, à ce prix-là. En plus, il y a le foot. Eh ouais. Pendant les vacances, vous allez sûrement attendre votre tour au péage, la vague, le vendeur de glace, un transat disponible, le petit vent frais du soir. Au moins avec Jeep, vous n'attendrez pas avant les vacances. Profitez d'une très large gamme de SUV Jeep disponible immédiatement avec Ready to Drive et bénéficiez d'une remise jusqu'à 6 000 euros sur Jeep Compass. Jusqu'à 6 000 euros de remise non cumulable avec d'autres offres en cours, valable jusqu'au 31 juillet sur une liste de Jeep Compass identifiée en stock selon modèle et motorisation. Réservé aux particuliers sous conditions de reprise. Ready to Drive, prêt à partir. Détails sur Jeep.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes toujours sur le cas de Pascal. Elle a payé un acompte de 1 250 € pour l'achat et la pose de plusieurs fenêtres. Ça fait 9 mois. Elle aimerait bien qu'aujourd'hui, le vendeur cesse de se moquer d'elle et lui pose une bonne fois pour toutes ses fenêtres. Elle a payé 1 250 €. Il ne se passe plus rien. 50 appels. C'est quelqu'un qu'elle connaît, avec qui elle entretient d'excellentes relations, qui avait bien bossé auparavant. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'arrive pas à avoir la moindre explication. L'appel est lancé maintenant. Nous avons appelé la société qui se trouve en Dordogne. Bonjour et bienvenue à la miroiterie rock. Nous allons donner suite à votre appel dans quelques instants. Veuillez rester à l'écoute. Merci. Ah, c'est le nom du gérant. C'est pas, je croyais que c'était la miroiterie rock, une miroiterie dans le coup, quoi. Tu es, non, t'es rock, toi. Non, c'est le nom du gérant qui s'appelle Monsieur Rock. On a changé de musique, dis donc. Miroiterie David Rock, bonjour. Bonjour, madame. Je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Nous sommes en direct au moment où je vous parle. Je vous appelle, je suis avec Pascal Armand, votre cliente, qui attend, nous dit-elle, désespérément des nouvelles de la miroiterie Rock. Elle qui a payé 1 250 € le 29 septembre 2017. Et elle a toujours aucune nouvelle. Et pourtant, elle nous dit, je m'entends bien avec Monsieur Rock, je ne comprends pas. Je n'ai aucune nouvelle de mes fenêtres. Est-ce que nous pourrions la voir, ou lui, ou quelqu'un qui en sait un petit peu plus sur ce dossier? Elle est en ligne, hein, madame. Elle va vous parler, madame Pascal Armand. Ouais. Allez-y, Pascal. Alors, je vais voir si je peux appeler monsieur Rock un instant. Merci beaucoup. Donc là, c'est l'assistante qui va essayer d'avoir monsieur Rock. Vous connaissez cette assistante, Pascal? Absolument, je la connais même depuis qu'elle est toute petite. Oh, vous voyez, ça se fait en famille. C'est la mienne, ceci étant dit, c'est quand même dingue comme dossier, parce que là, on ne peut pas reprocher à Pascal d'avoir fait sa petite enquête. Ah, non, elle a pris quelqu'un qui a pignon sur rue, qui est venu, qui a bien travaillé. Ça se passe bien, ça se tutoie, tout va bien. On est presque en famille et là, il ne donne aucune nouvelle. C'est qu'il doit y avoir un truc grave derrière, c'est non, pas possible. Il ne répond même pas à celle-là de recommander. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu plein de rendez-vous fixes. À chaque fois, c'est moi qui appelle pour demander s'ils viennent bien le lendemain. Parce que j'ai des préparatifs à faire pour faire de la place autour des fêtes. Je prévois ma journée. Donc, ils ne me préviennent jamais qu'ils ne vont pas venir. C'est moi qui appelle. Je n'ai jamais eu aucun appel de leur part. Pourtant, quand on téléphone, ça répond tout de suite. C'est très, très bizarre ça ce qui se passe. Il me tarde. Jessica est très gentil et tout le monde est très gentil, sauf lui, bon, une fois qui a été un petit peu désagréable, mais qui s'est excusé après. D'accord. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, Céline? Qu'est-ce que cette dame nous dit? Oui, apparemment, on vient juste de récupérer la ligne. Je vous la passe. Ah oui, merci. Oui, la miroiterie Rock? Allô, allô? Oui, alors je viens d'appeler Monsieur Rock. Il est sur la route, là, donc il ne peut pas vous prendre. Bon, madame, dites-lui bien que, voilà, on est en direct sur la radio RTL, et là, on est en train d'expliquer que les commandes ne sont pas tenues, qu'il y a du dédain par rapport à une cliente qui envoie des lettres commandées et qu'on ne lui répond pas. Donc, elle va mal, l'entreprise, ou elle va bien? Ah, va très bien. Mais pourquoi on ne lui donne pas de nouvelles, madame? Après, je ne pourrais pas vous dire, il faudrait voir avec Monsieur Rock directement. Il faut vraiment que Monsieur Rock se gare et nous rappelle, s'il le peut, 5 minutes. Ou Madame Rock, si vous voulez. Madame Rock est occupée avec des clients. Alors, vous lui dites qu'on revient, d'accord, vous dites à Madame Rock, à Monsieur Rock, à tous les Rock que vous avez autour de vous, on refait l'émission demain matin, donc ça va devenir le péplum de la fin de l'année, la miroiterie Rock à Bergerac. Juste, elle veut des nouvelles, ce qui me paraît... Vous vous rendez compte qu'il y a plein de clients qui écoutent et qui se disent, waouh, si on travaille avec eux et qu'on n'a pas de nouvelles quand on commande, on va peut-être faire attention. Depuis le mois de septembre. Ouais. Et vous n'avez pas un chef des commandes? Non, personne? Là, j'aurai personne. Bon. C'est lui qui fait tout. Mais je vais le dire à monsieur Rock. En tout cas, on lui lance un appel. Il est dans sa voiture, là? Oui, il est dans sa voiture. Bon, alors il a dû mettre la radio. Monsieur David Rock, voilà. Si vous nous écoutez, merci de bien vouloir nous rappeler. Vous avez une cliente qui vous a fait confiance et qui vous a donné 1 250 €. Je n'invente rien. Cette cliente n'a plus aucune nouvelle, nous dit-elle. Et qui l'apprécie beaucoup. Enfin, de moins en moins. Il faut quand même dire les choses. Elle l'apprécie tellement qu'elle a appelé RTL pour que RTL même les appelle. Bon. Même pas. Je l'aime toujours. Mais bon. Je lui transmets le message. Merci. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, la miroiterie. Au revoir, madame. Bonne journée. Vous lui dites qu'on l'appelle demain matin. Hein. Oui, d'accord. Merci. La miroiterie Rock se trouve à Bergerac, route de Bordeaux à la Cavaille. À Bergerac, où il y a un cabaret extraordinaire. Je vous conseille d'y aller. Exactement. Pour faire la fête. Comment s'appelle-t-il déjà? Moi, j'y suis passé et ils font des happy hours, là, 19h. Vous sortez du boulot, vous allez boire un coup et ils vous mettent de la musique française, vous dansez. C'est. Comment il s'appelle? Rappelez-moi, j'ai un trou de mémoire, Pascal. Je dirais le musical, mais je ne suis jamais allée. Oui, allé, donc c'est ça. Bien joué, Pascal. C'est le musical. Voilà, c'est là j'ai qu'il faut aller. Ah ben, vous avez gagné. Je vais bien vous trouver un petit truc, une fenêtre. Vous savez, de ce côté-là, ouais, j'en ai aussi. C'est pour ça, j'aurais dû m'adresser à vous directement. Ça, je n'ai pas le droit de le dire, Pascal. Je crois qu'elle vous aime aussi. Mais oui, Pascal, ok. Mais j'aime tout le monde. Moi, je suis même pas en colère. Non, mais c'est fou quand même que ce monsieur vous réponde pas parce que j'ai pas envie. Vous voyez, je comprends. Voilà, c'est juste que je comprends pas pourquoi il agit comme ça. On va appeler là. Surtout mes fenêtres, je veux pas lui laisser les fenêtres sur les bras. Bien moi, sûr, ça on va appeler au-dessus puisqu'il fait partie d'un réseau. Non, à Bergerac, nous allions à la discothèque le Windsor. Qui existe encore, oui. Je crois. Ah bon, je ça sais pas. Encore. Ouais, bon, voilà, ça existe Pascal. Encore. Mais merci Hervé, parce que si vous êtes revenu de votre duplex pour prendre des positions aussi fermes sur les dossiers comme celle-ci, eh bien merci, ça nous fait avancer. Dans une seconde, sur l'antenne d'RTL, nous appelons donc, elle fait partie d'un grand groupe, cette miroiterie. Nous allons passer à la vitesse au-dessus, si vous le voulez bien. Après avoir écouté Zaz, c'est son grand retour, Zaz, nouveauté RTL, adore. La voici, Zaz, sur RTL. Ah, c'est Zazie ? Eh ben voilà, j'avais pas vu lui. Je suis désolé, ma Pascal. Il y avait un i qui était bien planqué. Je demande d'ailleurs au service programmation d'appuyer sur les i. J'ai beaucoup de mal, vous les avez vus, j'ai et des de mettre lunettes. Les points surtout. Et vous êtes les points sur les i. C'est Zazie qui revient donc, avec un nouveau titre. Eh ben voilà. Mais Zaz aussi, hein, ceci étant dit, on n'est pas loin. Hein. Depuis le temps que tu dors. Un disque très très court. Zazie a décidé de. J'ai vu une interview, elle a dit je ne veux pas lasser les gens. Maintenant mes disques font 2 secondes. On a un petit problème technique. Et comme ça, on est sûr. Donc ça y est, ça marche. Oui, parce qu'en fait, je pense que tu as confondu, tu as voulu mettre tout. Vous saurez tout sur la Zazie, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. Hein. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois, des mois. Tu

gagner sur Airbnb, puisque c'était interdit avant. Oui, exactement. En fait, ce qui était interdit, c'était de sous-louer à quiconque, que ce soit dans le cadre de Airbnb ou à des copains pour 6 mois. Vous êtes seul titulaire du bail, vous êtes seul autorisé à y habiter. Vous pouvez partager, mais vous devez être là. Enfin bref, vous ne pouvez pas sous-louer, surtout en retirer de l'argent. Comme ils se sont aperçus que bon nombre de gens le faisaient quand même. Et notamment les étudiants qui ont du mal à payer les loyers de juillet et août, eh bien finalement, ils en ont tiré des bons enseignements, à mon sens. Ils se sont dit, attendez, autorisons la sous-location, on va faire un avenant. Et dans cet avenant, on va non seulement autoriser le locataire à faire ça, mais on va dire, voilà, on se partage les gains comme ça, 70% pour le locataire, 23% pour le propriétaire et 7% pour l'agence, de façon à quand même contrôler que le dossier des candidats Airbnb sont quand même sérieux. Ça permet finalement à tout le monde de trouver son compte et surtout d'arrêter ces sous-locations totalement sauvages. Il faut évidemment respecter le nombre de 120 nuitées qui est le maximum que l'on peut faire dans la Parce qu'après, ça devient de l'hôtellerie. Exactement. Déjà, 120, c'est énorme. C'est déjà pas mal. Mais, les hôteliers, c'est vraiment ont du souci à se faire parce que tout le monde fait ça. Moi, je m'aperçois qu'à tous les niveaux, d'ailleurs. Oui, pour des petits villas, appartements pas chers, mais moi, je connais des gens qui ont plutôt les moyens et qui vont, par exemple, dans des grandes capitales, ils peuvent aller ou à New York, qui n'est pas une capitale, mais se louer un Airbnb en plein Manhattan parce que ça leur coûte beaucoup moins cher qu'un hôtel. C'est une vraie révolution. Surtout quand on y va en famille et qu'on a besoin de grands espaces, en fait. La seule chose qu'il y a, et moi ça m'est arrivé à San Francisco, c'est que c'est souvent les copropriétaires qui sont furieux de voir tous ces touristes débarquer avec leurs valises et qui ne font pas attention, qui raillent les portes, etc. Et qui font du bruit et qui interdisent à ce moment-là la sous-location pour du tourisme. Ça va être le seul bémol. On va voir ce qui va se passer à Paris. Airbnb, Airbnb, Airbnb. On est bien d'accord, Bernard. Voilà. Alors, je reçois du courrier, vous le savez, je vous le lis de temps en temps. Voilà cette lettre de ce monsieur. Bonjour, Julien. Ma femme a 28 ans, elle est très belle. Elle voudrait passer un titre. Et je lui ai répondu, cher monsieur, je ne choisis pas la programmation. C'est la programmation, c'est RTL qui l'a choisi. Je passe les disques qu'on me demande de passer. Et là, il m'a renvoyé une lettre, 6 juin. Une photo de ma femme qui voudrait vraiment qu'on écoute les Beatles avec Penny Lane. Regardez comme elle est belle, elle vous le demande gentiment. Je lui ai réécrit, monsieur, n'insistez pas, je ne peux pas passer de disque. Et là, c'est elle qui m'a écrit, il y a une seconde, j'ouvre la lettre en même temps que vous. Me voilà nu sous ma douche, je vous ferai ce que vous voudrez. Penny Lane, there is a bar showing photographs.

Ah ben oui, elle voilà. est belle. Eh ben je comprends pas. Donc il y a Technal partout sur le site Miroiterie Roc David à Bergerac et là nos amis de Technal nous disent il ne fait pas partie de notre réseau. Donc il faut vraiment qu'on puisse parler à tous ces gens-là. Donc est-ce que cette dame de la direction de la communication qui ne communique pas veut bien appeler Roc David Miroiterie pour savoir ce qui se passe et pourquoi ils utilisent du coup le logo. C'est ce que je vais lui proposer. Bon, et on y revient demain matin sur l'antenne d'RTL, ne manquez pas ce dossier, nous revenons sur tout ça sauf si nous avons du nouveau dans l'après-midi. Il y a vraiment, vous rendez compte qu'on part d'un petit dossier stupide, bête, une non-livraison de fenêtres, alors que Pascal aime beaucoup cet artisan. Comme il ne donne aucune nouvelle, on avance, et on se retrouve à s'apercevoir qu'il y aurait des logos Technal alors qu'il n'est pas Technal, c'est juste ça. Ah bah si, mais sur le devis, ça y est, moi je vous avez un devis où il y a marqué Technal. Bah oui, Aluminium, il y a Technal, donc... Il faut vraiment, Hervé, que cette dame vérifie, parce que même sur les devis, il y a Technal, je le vois mal, en train de mettre des... Alors maintenant, le devis, ça remonte évidemment à Belle Lurette, puisque ça a été fait en septembre 2017. Il a peut-être perdu son agrément dans le courant de l'année. Mais on verra. Voilà. Allez, Blanche, rapidement. On peut rappeler que Pascal peut saisir le tribunal d'instance. C'est les articles L216-1 du Code de la consommation qui commence, Julien, par une conciliation qui permettra de mettre les parties autour de la table. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire le point info. Il est 10h54. Nous sommes en direct sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et nous sommes revenus, Charlotte, sur le cas d'Alphadio. Hervé Pouchol est allé à Saint-Denis, à Saint-Ouen-l'Aumône, à Clichy pour retrouver cette société qui devait livrer le véhicule d'Alphadio en Afrique et qui n'a pas respecté le contrat. Société physiquement introuvable, même si au téléphone, ils promettent le remboursement. Les locaux sont fantômes, il y a un monsieur qui ne veut pas nous rencontrer, le gérant, personne ne sait où il est, mais on nous a dit envoyer ce matin un RIB. Donc on l'envoie par email Bernard, et nous dit revenons fin de semaine, mais... On a peu d'espoir et on pense que ça va se terminer par une plainte s'il ne se passe rien. C'est ce que nous a dit Hervé, il est revenu donc de ce duplex et donc ça va avancer dans ce sens, on fait un point vendredi. Et on essaiera d'avoir une nouvelle fois Adama Diallo qui est le gérant de France Fret Express, boulevard Anatole France à Saint-Denis, mais toutes ces adresses-là malheureusement il n'y a pas grand monde. Deuxième cas que nous avons traité dans l'émission, c'est celui de Michael. Là, il faut avancer. Oui, il a un impayé de 55 000 euros à cause d'un client qui a fait opposition sur sa carte bancaire après son paiement. Alors, la banque n'aurait jamais dû, parce qu'ils n'ont pas le droit, reprendre cet argent. Ils ne l'ont pas repris d'un coup en plus. Ils l'ont pris à coût de 500 euros, mais là, ils lui prennent tellement de frais que le pauvre, comme il a cet impayé, risque de fermer samedi sa boîte. 55 350 euros n'ont pas été payés. On veut savoir ce qu'a fait la Caisse d'épargne dans ce dossier. Nous avons appelé la Caisse d'épargne Nord-Flandre. Europe, où en est-on, s'il vous plaît, Bernard Sabat? Alors, la directrice du centre de clientèle professionnelle, Armelle Demet, n'est pas présente, mais elle nous a envoyé sur un service unité échange monétique porteur qui, lui, ne peut pas nous parler et va parler à notre auditeur, Michael. Ça, c'est le premier point. Par contre, la direction est au courant de tout ce branle-bas de combat, Julien. Et là, je peux vous dire que ça change pas mal la donne parce qu'ils sont tous en train d'appeler l'agence locale pour qu'on parle avec quelqu'un qui connaît bien le dossier. Et je rappelle que Serge Maître, qui est une référence en matière bancaire en tant que président de l'Association française des usagers des banques, est formel. Un paiement carte bancaire, une fois qu'il est passé, en plus ce monsieur a menti puisqu'il a fait croire à sa banque qu'il l'avait perdu alors que c'est lui, et il y a des tas de preuves, qui a mis sa carte, qui a fait le code, donc tout s'est bien passé. Après il a dû dire, comme je ne veux pas payer, oh les gars annulez tout, j'ai perdu ma carte. Ils n'ont pas le droit de le faire, ils doivent mener une enquête, ils n'ont rien mené la Caisse d'épargne, donc c'est assez grave parce qu'il y a une entreprise qui risque de fermer. Exactement, et ils n'ont même pas prévenu l'auditeur avant de lui retirer ses sommes 5 semaines après le paiement. Exactement, on a Laurence Renaud qui s'occupe du dossier, on a Madame Benjamin et on a Christophe Gilbert, donc on ne peut pas avoir mieux, Julien. Et sinon nous appellerons le président Laurent Mignon, grand président de banque qui dirige la maison mère, la BPCE. Monsieur Mignon, s'il vous plaît, aidez ce commerçant, à ne pas fermer sa boîte. On revient sur ces deux cas demain. Il y aura peut-être moins de nouveautés demain, mais ces deux cas trop importants pour qu'on n'y revienne pas. Qu'est-ce qu'on a fait en trois? On a fait Pascal. Pascal, elle a commandé des fenêtres en septembre 2017. Elle attend toujours la livraison et la pose. Alors, on y était il y a quelques instants. Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Écoutez, je discute toujours avec cette dame qui n'est pas responsable de la communication, mais qui est à la communication. Elle essaye d'avancer justement avec son responsable. Elle a un peu paniqué, la pauvre, parce que justement j'ai parlé d'elle et elle va se rapprocher de la direction et très rapidement. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, nous allons revenir demain sur trois cas faits la veille, parce que les trois cas sont importants. Demain, on reprend un par un ces trois cas. Il n'y aura peut-être pas de nouveautés, on verra si on a le temps ou pas. Très rapidement, le dernier pronostic d'Alain Hazard, que disait-il? Voilà ce qu'il nous avait dit, on ne l'avait pas enregistré. Non. Oh mince. Bon, alors faites un pronostic pour l'équipe de France. Danemark, France ce soir, cet après-midi à 16h, la France 2-1, deux buts de Giroud.